Jean répondit d'une voix douce. « Reste, maman !» Elle le serra dans ses bras et se remit à pleurer. Puis elle reprit, la joue contre sa joue. « Oui, mais Pierre, qu'allons-nous devenir avec lui ?» Jean murmura, « Nous trouverons quelque chose. Tu ne peux plus vivre auprès de lui. » Au souvenir de l'aîné, elle fut crispée d'angoisse. « Non, je ne puis plus, non, non !» Et, se jetant sur le cœur de Jean, elle s'écria, l'âme en détresse, « Sauve-moi de lui, toi mon petit, sauve-moi, fais quelque chose. Je ne sais pas, trouve, sauve-moi. » « Oui, maman, je chercherai. Tout de suite, il faut, tout de suite. Ne me quitte pas. J'ai si peur de lui, si peur. Oui, je trouverai, je te promets. Mais vite, vite, tu ne comprends pas ce qui se passe en moi quand je le vois. » Puis elle lui murmura tout bas dans l'oreille. « Garde-moi ici, chez toi. » Il hésita, réfléchit, comprit, avec son bon sens positif, le danger de cette combinaison. Mais elle dut raisonner longtemps, discuter, combattre, avec des arguments précis, son affolement et sa terreur. « Seulement ce soir, disait-elle, seulement cette nuit. Tu feras dire demain à Roland que je me suis trouvé malade. »« Ce n'est pas possible, puisque Pierre est rentré. Voyons, aie du courage. J'arrangerai tout. Je te le promets, dès demain. Je serai à 9 heures à la maison. Voyons, mets ton chapeau. Je vais te reconduire. »« Je ferai ce que tu voudras, dit-elle, avec un abandon enfantin, craintif et reconnaissant. » Elle essaya de se lever. Mais la secousse avait été trop forte. Elle ne pouvait encore se tenir sur ses jambes. Alors, il lui fit boire de l'eau sucrée, respirer de l'alcali, et lui lava les tempes avec du vinaigre. Elle se laissait faire, brisée, soulagée, comme après un accouchement. Elle put enfin marcher et prit son bras. 3 heures sonnaient quand ils passèrent à l'hôtel de ville. Devant la porte de leur logis, il l'embrassa et lui dit « Adieu, maman, bon courage !» Elle monta à pas furtifs, l'escalier silencieux, entra dans sa chambre, se dévêtit bien vite et se glissa, avec l'émotion retrouvée des adultères anciens, auprès de Roland, qui ronflait. Seul dans la maison, Pierre ne dormait pas, elle avait entendu revenir.